Audiomatique. Donner le coup d'envoi à cette transmission 275 d'Audiomatique, nous vous avons présenté le groupe américain Chairlift, qui a existé de 2005 à 2017. De son deuxième album studio intitulé Something et paru en 2012, nous entendions la chanson Guilty as Charged. Chaque semaine, les sonoristes sont ici et ailleurs, dépendamment si vous écoutez la transmission d'Audiomatique en direct ou en différé. Les frontières spatio-temporelles de la transmission n'existent pas, tout comme les genres se confondent depuis longtemps à travers la création de contenu sonore. Audiomatique est, et sera jusqu'à la fin, cette diffusion apatride et intemporelle de la musique. Exit north 5.7 miles. 200 meters. 100 meters. 'Cette séquence musicale purement électronique se terminait sur la musique du projet Monolake, aujourd'hui l'œuvre solo de l'un de ses cofondateurs, soit Robert Henke. De l'album Polygon Cities, sorti en 2005, nous écoutions la pièce North. Et avant Monolake, c'était la formation britannique Plaid et la pièce Maru, tiré de leur plus récent album Polymère, paru à la fin de l'année 2019. Voilà exactement 10 ans qu'ils ne nous ont pas offert un nouvel album studio. Voici à Audiomatic Massive Attack. On rocks fall fast and fleeting. Hearts and wings commence to beating. What's unseen with all believing? Vision walls fall all receding. Vision walls fall all receding. Drops on rocks come fast and fleeting. Dreaming. Thank you. audiomatique se poursuivait en musique avec le groupe new-yorkais LCD Sound System, mené par James Murphy, et la chanson On Repeat, tirée de son premier album homonyme lancé en 2005. Précédemment à LCD Sound System, nous avions droit à PJ Harvey et sa composition In the Dark Places, extraite de son 8e album studio Let England Shake, paru en 2011. La pièce In the Dark Places, comme toutes celles apparaissant sur Let England Shake, traite de l'Angleterre, bien sûr. Dans le cas de In the Dark Places, PJ Harvey a voulu particulièrement parler des guerres insignifiantes qui ont fauché, dis-je, des millions de jeunes vies à travers les âges. Cette chanson se veut un salut ainsi qu'un adieu à toutes ces personnes qui sont mortes à cause de conflits militaires dans l'histoire de l'humanité. Et pour débuter ce segment musical, il s'agissait de Massive Attack et la chanson Pray for Rain, sur laquelle on peut entendre le chanteur Tunde Adebimpe du groupe TV on the Radio. Cette pièce ouvre Illegal Land, le 5e et plus récent album de Massive Attack, qui a été lancé le 5 février 2010, soit il y a exactement 10 ans aujourd'hui. Audiomatique se poursuit sur une composition alliant le jazz avec une inspiration venant du tango que nous propose l'artiste et multi-instrumentaliste québécois Michel Lompré. Nous venons d'entendre l'artiste français Sébastien Schuller et la pièce « Where We Had Never Gone » tirée de son premier album « Happiness » paru en 2004. Et avant Sébastien Schuller, nous écoutions la pièce « Les pas de sortie » du compositeur originaire de Victoriaville, Michel Lompré. Outre Michel Lompré lui-même au saxophone, nous pouvions entendre sur cette pièce l'accordéoniste Didier Dumoutier, qui a notamment collaboré avec plusieurs artistes comme Richard Desjardins, Branvan 3000, Mononcle Serge, Florence K et Lassa de Sella, pour n'en nommer que quelques-uns. Donc, la pièce « Les pas de sortie » apparaît sur l'album de Michel Lompré intitulé « Diversion collatérale », album qui est paru en 2004. Comme conclusion à la transmission 275 d'Audiomatique, nous reviendrons quelque peu en arrière, soit en 1981, année qui a vu la parution de l'album « Still » de Joy Division, qui est sorti après la mort du chanteur Ian Curtis, survenu en mai 1980. De l'album Still, nous entendrons la chanson The Only Mistake qui a été enregistrée en 1979 lors des sessions pour le premier album de Joy Division, Unknown Pleasures. Nous serons donc en attente de la transmission 276 d'Audiomatique qui sera diffusée en direct mercredi prochain dès 17h, toujours sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. En attendant, vous pouvez toujours accéder à nos anciennes transmissions en vous rendant sur nos profils mixcloud.com/audiomatique et facebook.com/audiomatique-CFOU. Voici Joy Division et la pièce The Only Mistake. C'était Audiomatique avec les sonoristes.